Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Donc aujourd'hui, on ne change pas une histoire, les petites histoires qui sont toujours gagnantes hein, chez moi. Elle s'appelle « Les amants de l'Apocalypse ». Elle est écrite toujours par Jérôme Leroy dans le livre « Les dernières nouvelles de l'enfer ». L'éditeur « L'Archipel ». Et cette nouvelle est dédiée à Charlton Heston. Je commence. C'était un village au milieu de nulle part. Il se résumait à quelques maisons, une quinzaine peut-être, éparses. Les deux côtés du ruban asphalté de la route qui traversait le désert jaune dans une ligne droite impeccable. On voyait aussi un réservoir à eau, une station-service abandonnée et un petit supermarché aux vitres crasseuses. La station-service devait être fermée au moins depuis le début de la grande crise, après avoir été pillée par une horde de motards, ou peut-être, si ça se trouvait, par les habitants du bled eux-mêmes qui avaient voulu se payer un dernier plein. Avant, pour la plupart, de partir se réfugier dans une grande ville. Cela avait été le même scénario à travers tout le pays, un grand exode de désespérés. Ce n'était pas que la situation soit forcément plus facile à vivre dans les métropoles. Le ravitaillement en essence, en bouffe et en médicaments était tout aussi aléatoire. Mais les flics entretenaient encore un semblant d'ordre et on ne risquait pas de se faire voler, violer ou tuer par des dingues comme les cavaliers de la nuit ou les amants de l'Apocalypse. Fred était l'un des derniers flics des brigades routières. Il faufila sa bagnole entre deux carcasses calcinées de pick-up et se gara devant le supermarché. Il était à la fois crevé et furieux. Un dingue du volant l'avait semé en quittant la route et en traçant directement à travers le désert vers des collines rocheuses qui formaient une masse indistincte, fondue dans un brouillard de chaleur. Fred avait renoncé à le suivre. Pour plusieurs raisons. D'abord, il était à 100 bornes de sa base et ne pouvait plus appeler de renfort par radio. Et puis le dingue du volant, à bord d'un roadster flambant neuf, au moteur visiblement gonflé à l'oxygène, n'était peut-être pas si dingue que ça. Il cherchait peut-être à l'attirer dans une embuscade. C'était de plus en plus fréquent. Rien ne disait à Fred que les collines ne cachaient pas une dizaine de salopards avec une herse pour lui bousiller les pneus de son interceptor avant de l'attaquer à la hache. C'était ce qui était arrivé la semaine dernière à deux collègues. Plus loin, vers le nord, on les avait retrouvés crucifiés à même le sol, à poil. On avait complètement démonté leur bagnole pour alimenter le trafic de pièces détachées. Mais surtout, surtout, Fred en avait assez. Assez de sillonner pour rien ces routes interminables, d'arriver dans des villages comme celui-ci, à moitié abandonnés ou qui venaient de recevoir la visite d'une horde quelconque, avec des cadavres mutilés et des nanas violées au milieu des flammes. Assez de voir la tristesse dans le regard de sa femme Jessie qui ne voulait plus de cette vie. Assez de se réveiller la nuit en plein cauchemar et de mettre des heures avant de se rendormir en écoutant le vent autour de son bungalow. Ce vent qui parfois se confondait avec des rugissements de moteurs en sur-régime, ce qui voulait dire que quelque part, le combat sans espoir de ses collègues continuait, même au cœur de la nuit. Encore des morts, encore des carcasses en flammes, encore des cadavres déchiquetés. Il descendit de voiture, vérifia le chargement de son fusil à canon scié dans un claquement qui le rassura. Des rafales de poussière couvrirent presque instantanément d'une pellicule grisâtre son uniforme de cuir noir. Il grimpa les quelques marches qui menaient au petit supermarché. Il regarda autour de lui. Personne, vraiment personne. Cela en devenait presque suspect. Il entra en faisant tinter une clochette. Tout de suite, il comprit que quelque chose n'allait pas. Ce n'étaient pas les rayons aux trois quarts vides, les publicités vieilles de plusieurs années, ni même les néons qui clignotaient. Tout cela, hélas, était un décor banal dans le monde de la grande crise. Beaucoup plus simplement, la fille derrière la caisse, très jolie, était pâle comme une morte. Morte de trouille, oui. Fred évita de justesse la chaîne de vélo. Ce fut un très léger déplacement d'air dans son dos qui le prévint. Il se laissa tomber à terre et roula sur lui-même en renversant une pile de boîtes de conserve. Des haricots rouges périmés depuis des mois. Un amant de l'apocalypse. Il était reconnaissable au tatouage représentant Lucifer sur l'avant-bras gauche. Édenté et crasseux, il s'encadra dans le champ de vision de Fred. Il ouvrit le feu et la chevrotine, gros grain, projeta le type en arrière, à travers la vitrine qui explosa littéralement. La lumière dure du dehors entra dans le supermarché. La fille derrière sa caisse hurla « Il y en a encore deux !» Fred les avait vus. Ils avaient les bras encore chargés de bouffées de boîtes de bière. Et il en abattit un en le scalpant littéralement avec sa deuxième cartouche. Le dernier amant de l'apocalypse laissa tomber ce qui l'encombrait pour prendre un couteau de survie glissé dans sa botte de moto. Mais Fred était déjà sur lui et lui défonça le crâne à coups de crosse. Plus tard, des heures plus tard, alors que la nuit était là, Fred se réveilla. Il eut un instant de surprise en s'apercevant que ce n'était pas sa Jessie à côté de lui, mais la caissière. Il se passa la main sur le visage et soupira. Ce n'était pas dans ses habitudes. Il avait un peu honte, mais tout s'était passé naturellement. Trop de morts, de sang, de solitude. Trop d'espace autour d'eux. Il était d'abord allé brûler les motos des amants de l'apocalypse, planqués derrière le magasin. Personne ne pourrait en récupérer quoi que ce soit. Normalement, il aurait dû appeler ses collègues, remplir de la paperasse avec eux, faire saisir les Kawasaki pour le compte de la police. Mais il était trop loin, beaucoup trop loin. La caissière, blonde, élancée, les cheveux courts, les seins petits, était l'antithèse physique de Jessie. Pourtant, alors qu'elle l'aidait à lancer les corps des amants de l'apocalypse dans le feu des trois motos qui brûlaient, il eut envie d'elle et manifestement s'était partagé. Ils firent l'amour dans l'appartement au-dessus du supermarché. Ils oublièrent, en s'épuisant l'un contre l'autre, l'odeur de la chair brûlée dans l'odeur du plaisir. Fred ne s'était pas senti aussi bien depuis un temps fou, depuis le début de la grande crise, en fait. Quand il quitta la fille, le lendemain à l'aube, elle l'embrassa par la vitre ouverte de son interceptor. Elle eut alors un petit rire. « Pourquoi tu rigoles ?» Oh, pour rien. Je me disais que les amants de l'apocalypse, finalement, ce n'étaient pas ces salauds. C'était nous, juste pour une nuit. Mais c'était nous. Et voilà, voilà, voilà. J'en ai fini avec toutes mes petites histoires de vampires. Je vous promets, la semaine prochaine, je trouve autre chose. Allez, à tout bientôt sur Radio Gémozo, 107 FM, bien sûr. Tell me, what do you see? Fortune. some other guy. And in the movies when I see someone kissing her, Lord, Lord, Lord, I could just die. My friends, they bet that she's a girl I won't get, 'cause I'm as ugly as they come, don't weigh 100 soaking wet. Fortune teller, tell me, is it any way to help my case? Or will I go through life suffering with heartache? Fortune teller, tell me, what do you see? Tell me now.